Chaque mois, les prix augmentent. Le mois dernier aussi, ils ont augmenté. Chaque année, mes revenus diminuent. L'année dernière aussi, ils ont diminué. Tous les étés, mes enfants travaillent. L'été dernier aussi, ils ont travaillé. Tous les dimanches, mon équipe de foot gagne. Dimanche dernier aussi, elle a gagné. Aujourd'hui, il neige sur toute la France. Hier aussi, il a neigé sur toute la France.